personnes, les intervenants. Moi, j'ai grandi dans une île tropicale, coloniale, et il n'est pas possible de penser la nature comme naturelle. Je veux dire, dès que vous êtes regardé autour de vous, c'est absolument impossible. Quand c'est une île qui a connu l'esclavage et le colonialisme, rien n'est absolument naturel. Tout a été fait, en fait, pour servir une économie. Et il m'a semblé intéressant, assez rapidement, parce que mon travail est notamment sur l'esclavage, le colonialisme et ce qu'on appelle le post-colonialisme, c'est pas nécessairement le moment après, mais le moment que nous vivons aujourd'hui, d'intégrer l'environnement quand je pense effectivement à la question du genre, à la question de l'économie, à la question du politique, c'est-à-dire que c'est pas à côté, c'est pas une institution à côté, c'est là, complètement important. Je me rappelle d'avoir lu en 2008 le livre de Joachim Radko qui s'appelle Nature and Power, Global History of the Environment, et où il disait que le moment de l'esclavage a été un moment tournant dans l'histoire de l'environnement. Et donc ça m'avait complètement, évidemment, fait travailler ma tête. Et je m'étais dit, en fait, pourquoi ? Évidemment, on pense les transferts de plantes, les monocultures, les pollutions, les paysages entièrement modelés, ce qu'on appelle aujourd'hui, quand on voit les photos, les champs de canne, les champs de bananes, les plantations de bananes, tout ça étant évidemment, maintenant même faisant partie du tourisme, des images touristiques, étant finalement le signe de systèmes absolument de prédation et de violence. Donc, partir de là, de voir comment aussi l'environnement a été marqué et a contribué, a participé, la manière dont l'environnement, la nature a été faite par le colonialisme, dont esclavage et post-esclavagiste, ont constitué évidemment des moments qui ont contribué à la racisation, à la manière dont ont été pensés le pouvoir et la dépossession, et même aussi la protection de la nature. À quel moment on commence à vouloir protéger la nature contre évidemment les populations qui seraient, elles ne connaîtraient pas comment protéger la nature, et donc toute cette multiplication de parcs naturels qu'on connaît. Donc ça c'était un premier point, et donc aujourd'hui se poser la question de comment penser ce monde postcolonial avec ce que aujourd'hui beaucoup de savants appellent l'anthropocène, c'est-à-dire ce moment évidemment où l'action de l'homme serait en train de changer le monde. Et je préfère à ce moment-là, moi, la proposition de Jenson Moore, du sociologiste Jenson Moore, qui parle de capitalocène et qui, en fait, pense que dès le XVIe siècle s'installe une trilogie entre le pouvoir, l'accumulation des richesses et la manière dont on construit la nature. Et qui s'annonce, évidemment, avec ce qu'on appelle les grandes découvertes, la colonisation, et qui va se poursuivre. Et qui connaît, évidemment, des moments différents, compte tenu des évolutions économiques, mais qui place la question du capital au centre, et non pas la question de l'homme dans sa relation avec la nature, dans une espèce de relation abstraite où l'homme serait méchant avec la mère nature, et que si l'homme avait une relation un peu plus gentille avec la mère nature, les choses se passeraient mieux. Et qui donc efface ce fait qu'il y a vraiment en fait un système économique, culturel, idéologique, qui contribue à cette construction de la nature. Et je pense que nous vivons un nouveau moment aujourd'hui de ce que je proposerais d'appeler pas seulement capitalocène ou anthropocène, mais anthropo-capitalocène, parce qu'il y a quand même une démesure qui s'installe, qui serait donc anthropologique, et c'est une nouvelle forme d'organisation aujourd'hui de la division internationale racisée de l'environnement. Comment l'environnement est aujourd'hui recomposé, réorganisé au niveau global. C'est un peu différent quand même du moment colonial et postcolonial, même juste après des indépendances, etc., les années 60-70. Et aujourd'hui, vraiment, on est rentré dans une nouvelle ère, autour notamment de l'industrie, des industries de l'extraction nouvelle, de la question des déchets, de l'axe nord-sud dont Carence a parlé, des territoires qui sont choisis pour être des territoires où, effectivement, on va là faire de l'extraction, ou alors on va déverser les déchets de la société capitaliste industrielle. Donc comment tout ça s'organise, je trouve que c'est extrêmement important aujourd'hui de contribuer à cette conversation et de ne pas la laisser seulement ni aux scientifiques, mais d'organiser évidemment une plus grande conversation entre scientifiques, chercheurs en sciences sociales, militants, artistes et autres. Je voudrais juste terminer sur la question de ce que j'appelle le cas français de la postcolonialité. Et c'est pour ça que je suis très contente aussi aujourd'hui que nous ayons Luc Mutinier et Bruno Barillot avec nous, parce que très souvent, quand on parle de la France, on parle de ce qu'on appelle l'Hexagone. Je veux dire, on pense que la France, c'est ici. Or, la France, comme vous le savez, s'étend dans toutes les mers du monde, Et dans ces territoires qu'elle a dans le Pacifique, dans les Caraïbes, dans l'Amérique du Sud et dans l'océan Indien, ce sont des territoires particulièrement justement pollués, particulièrement où l'environnement est absolument au service du capital. Et qui sont vraiment. Et les scandales qui s'y passent, dont nous parlerons Luc Lantinier et Bruno Mario, sont très peu connus du public français. Les effets du nickel en Nouvelle-Calédonie. On parlait de Notre-Dame-des-Landes, il y a absolument un scandale d'une construction à l'île de la Réunion qui dépasse 1 milliard d'euros pour construire une route de 13 km. Aucun mouvement, je peux vous dire que j'ai lu tous les textes d'Europe Écologie Les Verts, il n'y a pas un moment où ils en parlent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la cartographie de la France reste une cartographie absolument métropolitaine et donc coloniale. C'est-à-dire ce que la France, c'est ce qui se passe ici. Donc ça, je trouve qu'il faut élargir la cartographie et parler de ça et voir justement comment, entre le 93, qui est un département pollué, mais pas le plus pollué, parce que dans ce cas, qu'est-ce que serait, on pourrait parler de la Nouvelle-Calédonie ou on parlerait par Mayotte. Donc en tout cas, comment s'organise l'espace de la République française. Et à l'intérieur de cet espace, quels sont les territoires qui sont les territoires de pollution? Quels sont les territoires qui croisent effectivement classe et racisation? Et donc, comment se passent là les questions de santé publique, les questions de décision, qui décide comment les choses sont effectivement top-down, etc. Donc, voilà. Donc, c'était juste les propositions que je voulais faire. Et puis, j'animerai les débats tout à l'heure. Merci. Et puis, je crois que c'est Garance qui va introduire.